Le temps de veille de Violaine Schwartz. Épisode 1. Le tapis des jours, toujours pareil. En entrant dans la maison, un rôle vous est attribué. Ce rôle représente un maillet de la grande chaîne qui permet de transformer le tissu en vêtements. Les machines nous attendent, les tissus sont en place. Les pantalons à assembler. Les vestons à monter. Rien n'a bougé depuis hier. Les néons s'allument. Le chat de l'aiguille est toujours à la même place. Le fil toujours de la même couleur. La lanceuse appuie sur un bouton. Et les tapis se mettent en route. Comme hier. Comme toujours. Chaque poste a son importance. Chaque poste a son importance. Et chaque poste a son importance. Et conditionne. Chaque poste a son importance. Et conditionne. Chaque poste. Pause déjeuner. 3 quarts d'heure pour manger. La chaîne, elle s'arrêtait entre midi et deux. Mais sinon, ça tournait sans arrêt. Faut que ça tourne, qui disait le chef, sans arrêt. J'en rêve encore. C'était des grosses machines. Plusieurs fois, je me suis pris l'aiguille dans le doigt. Fallait faire gaffe. On prenait le pantalon, on le piquait et on le donnait à la dame d'à côté. Et puis un autre pantalon arrivait et ainsi de suite, toute la journée, ainsi de suite. Sauf quand la chaîne tombait en panne. Oui, quand on en avait trop marre, on la mettait en panne. On avait un truc tout simple, on mettait l'aiguille à l'envers. Du coup, le fil cassait sans arrêt. On disait à la lanceuse, « Faut que t'arrêtes, le fil casse sans arrêt, faut appeler le mécanicien. » Le mécanicien, il mettait un quart d'heure avant d'arriver. On remettait l'aiguille dans le bon sens, juste avant qu'il arrive, et comme ça, on avait gagné un quart d'heure. Ou alors, on coinçait les tapis. Mais ça, faut peut-être pas le dire. Il y a plus de tapis maintenant. Il y a plus d'usine, il y a plus personne. C'était des rouleaux en acier, et dessus, il y avait le tapis en caoutchouc. On coinçait un pantalon entre la barre d'acier et le tapis. Et il patinait. Alors on disait à la lanceuse, « La chaîne, elle avance pas, le tapis n'entraîne plus. Faut appeler le mécanicien. » On arrêtait avant que ça fume. Ah, on était tous jeunes. Un atelier de... Que des jeunes. On était vraiment les... Comment on pourrait dire ? Les bêtes de somme ? Non, les... Les petites mains. Oui, les petites mains. Il y avait les cols, les revers, les doublures, les boutons, les jambes, la ceinture, le recto, le verso, les manches, les poches, les passepoils, les braguettes, le thermocollant. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Tout le déroulement du pantalon, quoi. Toute la trame du veston. On en faisait 300 par jour. 400. 600. C'était dur, mais j'ai des bons souvenirs quand même. On était jeunes. J'ai encore une copine de là-bas. Mais il y en a deux qui sont mortes. La roue tourne. Faut que ça tourne, qui disait le chef. Comment il s'appelait déjà? Il braillait tout le temps. Le jour de ma première paye, j'ai pleuré toute la nuit. On était payés tous les 15 jours, en liquide, le vendredi soir. J'arrivais pas à comprendre qu'il m'ait payé si peu, vu l'effort que j'avais fait. Il me semblait que j'avais tellement travaillé. On avait une prime d'assiduité tous les mois. Si on était à l'heure, c'était 30 francs. Puis il y avait aussi la prime production. Tous les soirs, le compteur était relevé. Si on ne faisait pas notre production, s'il y avait 250 vestes au lieu de 300, la prime production vous filait sous le nez. Fallait faire notre production. Faut que ça tourne. Mais comment il s'appelait le gros ventru, là? Celui qui gueulait sans arrêt. Fin de la pause. Tu te souviens quand il braillait? Fin de la pause. On en était où? On en était à chaque poste A. Lequel ? Toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes mots. Plus on répète l'opération, mieux on sait la faire et moins il y a de défauts. Chaque poste a son importance et conditionne... Chaque poste a son importance et conditionne... Chaque poste a son importance et conditionne... Chaque poste a son importance et conditionne... Chaque poste a son importance et conditionne le bon fonctionnement de l'entreprise. On en a fait combien ? C'est bon, le quota est respecté. À demain. À demain. Et ainsi de suite. Le temps de veille de Violaine Schwartz. avec Pauline Bell, Sophie Bezard, Constance Carlet, Aurélie Nusillard, Violaine Schwartz, Véronique Alain, Élise Arpentinier, Sophie Doll, Morissette Gourdon, Chantal Joblon. Bruitage, Sophie Bissantz. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Yannick Magnien. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer et Pablo Valero. Réalisation, Laure Goroff. Would it get some wind for the sound? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.